إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا بإذن الله تبارك وتعالى في كتابنا المسمى القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. Nous continuons بإذن الله تبارك وتعالى la lecture de notre épître intitulé Les belles règles concernant l'exégèse du Coran, le tafsir du Coran. Nous sommes arrivés à la deuxième règle. Après que l'auteur rahimahullah nous ait cité dans la première règle la méthodologie à suivre quant à l'apprentissage des sens du Coran, qui était celle des Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui consistait à ne pas dépasser 10 versets ou plus ou moins sans avoir appris ce qu'ils contiennent comme foi et comme science. Et par la suite, le fait de pratiquer cela à leur vie quotidienne en se demandant des comptes quant à cela. Avant de passer à la deuxième règle citée par l'auteur rahimahullah, nous revenons sur le hadith cité dans le premier cours qui nous montrait et nous expliquait que Jibril alayhi salam venait exposer le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Effectivement, Jibril alayhi salam venait exposer le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, et c'est seulement à l'année de sa mort sallallahu alayhi wa sallam que Jibril est venu lui exposer le Coran deux fois. Et nous avons tiré de cela l'importance de donner une importance particulière au Coran pendant le mois du Ramadan, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, al-qa'idatu thaniya, la deuxième règle, al-ibratu bi'umumi lafzi la bi'khususi l'asbab. La deuxième règle est que dans l'exégèse, dans le tafsir, ce qui est pris en compte est la généralité des mots et non la particularité de la raison pour laquelle le verset est descendu. Donc dans l'exégèse, dans le tafsir, ce qui est pris en compte est la généralité des mots et non la particularité de la raison pour laquelle le verset est descendu. Dans cette règle, l'auteur rahimahullah nous explique que lorsque les savants du tafsir citent en explication d'un verset qu'il est descendu pour une cause ou une raison particulière, en disant مثلاً هذه الآية نزلت في كذا وكذا, ce verset est descendu pour telle ou telle raison ou telle situation, alors que cela ne veut pas dire que le verset n'englobe pas d'autres situations semblables à celle-ci. Mais cela a pour but de donner un exemple montrant et expliquant le sens de ce verset. Donc que le verset reste dans son sens global et général. Et lorsque les savants du tafsir nous citent un exemple, ou bien nous citent la raison pour laquelle le verset a été descendu, alors cela ne vient pas restreindre le verset à ce sens-là. Mais cela vient nous permettre de comprendre le sens du verset, mais que ce qui est pris en compte par les savants du tafsir est la généralité des mots. Donc que le verset garde un sens général et global. Car comme le dit l'auteur rahimahullah, le Coran a été descendu pour la guider des premiers comme des derniers de cette communauté. Et l'auteur rahimahullah nous cite en exemple de cette règle la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit: lorsque tu entends Allah dire ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, alors tends l'oreille, car tu entendras un bien que l'on t'ordonne ou un mal que l'on t'interdit. Donc, que le Coran a un sens général et est une guidée pour toutes les personnes de cette communauté. Et parmi ceux qui viennent appuyer cette règle, citée par l'auteur rahimahullah, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée par l'imam al-Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit: un homme, après avoir embrassé une femme qui lui était illicite, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la manière d'expier cela. Ce verset est donc descendu, d'après l'essence du verset, et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Certes, les bonnes actions dissipent les mauvaises. Et à l'homme de répondre, est-ce que ce verset est pour moi, au messager d'Allah, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, pour toi et toute personne œuvrant avec de ma communauté. Donc, il n'est pas permis de sortir de la généralité d'un texte tant que l'on n'a pas une preuve pour cela. Donc, que les versets et les textes restent dans un sens général. Ici, dans ce verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, les bonnes actions dissipent les mauvaises. Donc, cette règle citée par l'auteur, rahimahullahu, est que dans le tafsir, dans l'exégèse, ce qui est pris en compte est la généralité des mots, et non pas la particularité de la raison pour laquelle le verset est descendu. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, passe à la troisième, quatrième et cinquième règle. Donc, trois règles que l'auteur va citer à la suite, qui vont venir expliquer cette règle. Donc, ce sont des règles qui vont nous permettre de savoir et de reconnaître à quel moment les mots prennent un sens global, général dans le Coran. Donc, ces règles que l'auteur va citer, rahimahullahu, auront un lien direct avec la langue arabe. Donc, cela vient confirmer ses dires lorsqu'il nous a dit dans la première règle que quiconque voulait avoir une grande compréhension de la science du tafsir devait donner une importance particulière à l'apprentissage de la langue arabe. Donc, nous allons quand même citer ces règles-là en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala aide et assistance dans cela, qui vont venir expliquer la règle citée par l'auteur quant au fait que le savant du tafsir considère l'essence générale des mots et que lorsqu'il nous cite qu'un verset est descendu pour une cause particulière, alors cela n'a pas pour but de restreindre le sens du verset, mais cela vient permettre de comprendre le sens voulu par ce verset. Donc il nous dit, rahimahullah, quant à la troisième des règles, elle est que lorsque l'article L, donc El Alif ou El Lam, précède des attributs ou des noms d'espèces, alors cela donne un sens de généralité et de globalité selon le nom qu'il précède. Donc lorsque l'article L, Alif ou El Lam, comme lorsque l'on dit par exemple Insanun, El Insanu. Insanun, un être humain. El Insanu, l'être humain. Donc ici, El. Parmi les sens que prend cet article-là, elle, le fait de définir un mot. Lorsque l'on dit « mathalan kitabun », un livre, « el kitabu », le livre. Donc c'est un des sens que prend l'article « el ». Ici, le sens qu'il prend, l'auteur nous dit, rahimahullah, que lorsque l'article « el » précède des noms d'espèces, comme « el insan », l'être humain, l'espèce humaine, ou des attributs, « mathalan el muttaqin », les pieux. Alors cela donne un sens de généralité et de globalité. Donc cela englobe Al-Insan, tout être humain. Al-Muttaqin, toute personne pieuse. Donc, une des manières de reconnaître qu'un mot a un sens général. Parmi ce qui nous permet de reconnaître cela dans le Coran, il est que nous pouvons mettre à la place de l'article Al-Kul, tout. Al-Insan, l'être humain, Kullu Insan, tout être humain. Donc l'auteur, rahimahullah, va nous citer plusieurs versets nous permettant de comprendre cette règle-là. Il nous cite, rahimahullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Inna l'insana khuliqa halu'a, idha massahu sharru jazu'a, wa idha massahu l'khayru manu'an illa l'musallin » Suratul Ma'arij. Donc, d'après l'essence du verset, « Certes, l'homme a été créé instable. » Lorsqu'un mal le touche, il est abattu. Et lorsqu'un bien le touche, il est grand refuseur. Donc, on déduit ici, de par cette règle, que l'attribut cité dans le verset, c'est-à-dire que l'être humain a été créé instable, est la caractéristique de tout être humain, al-insan. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité en exception dans ce verset, lorsqu'il nous dit à la fin, illa al-musallin, sauf les prieurs. Cela, car le mot insan est un nom d'espèce, l'espèce humaine, et qu'il est précédé de l'article L. Donc cela donne un sens de généralité et de globalité. Donc il englobe tout être humain. Et nous pouvons dire ici à la place de El Insan, l'être humain, tout être humain. Ensuite, il nous cite, rahimahullah, en deuxième exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » Sourate al-Ma'idah, d'après l'essence du verset. « Et entraidez-vous à la bienfaisance et la piété. » Ici, nous voyons que le mot « al-birr », la bienfaisance, est précédé de l'article « al »« al-birr ». Donc cela englobe toute forme de bien et de bienfaisance. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée entre dans ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous entraider dans cela. Al-bir. Pareil pour le mot at-taqwa. Entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété. At-taqwa est aussi précédé de l'article al. Donc comme le dit l'auteur rahimahullah, cela englobe tout ce qu'il est obligé de délaisser comme péché et comme chose interdite. Donc cela prend un sens général. Et ici, la bienfaisance et la piété ne sera pas restreint à un sens particulier, mais prend un sens général. Tout ce que peut contenir ce verset est voulu par celui-ci. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, et la plus immense manière de considérer cette règle se fait dans les noms et attributs d'Allah. Et le Coran en contient une très grande quantité. Et cela est la plus noble des sciences du Coran. Donc le fait de mettre en pratique cette règle-là à travers les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont précédés de l'article « al ». Et ici, le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit en commentaire de cela. À titre d'exemple, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala « as-sami' » l'audient. Donc « as-sami' » ici est précédé de l'article « al ». Il nous dit « Donc cela englobe tout ce qu'il est possible d'entendre. » Donc ici, elle dans un sens de globalité et de généralité. Donc le nom As-Samir, précédé de l'article elle, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et qu'il est audient et qu'il entend subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il est possible d'entendre. Pareil pour le nom Al-Alim, le savant. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela englobe la science et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'il est possible de connaître. Al-Alim. Pareil pour le nom Al-Barr, le bon, le bienfaisant. Donc cela englobe tout ce qu'il est possible comme bien et comme bienfaisance. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc le serviteur qui lit le Coran médite sur cela à travers les noms attribués d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur nous dit rahimahullah. Et les exemples de cette règle sont en très grand nombre dans le Coran. Ensuite il passe à la quatrième règle. Il nous dit, la quatrième règle est, lorsqu'un mot indéfini est cité dans un contexte de négation, interdiction, condition ou interrogation, alors cela lui donne un sens global, général. Donc encore une fois, une règle permettant de savoir à quel moment les mots ont un sens général, global dans le Coran. Il nous dit, lorsqu'un mot indéfini, donc indéfini en langue arabe, nakira, donc indéfini, si nous disons, mathalan, insanun, un être humain, el insanu, l'être humain. Insanun est le mot qui est indéfini, car il peut être cité pour n'importe quel être humain. Pas tous les êtres humains en même temps, mais n'importe quel être humain peut être appelé insanun. Donc, lorsqu'un mot indéfini est cité dans un contexte de négation, c'est-à-dire qu'il est précédé d'une négation, ou interdiction, ou condition, ou interrogation, alors cela lui donne un sens global et général. Ici, l'auteur, rahimahullah, nous cite en exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit « Wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a » Sourate An-Nisa. D'après le sens du verset, « Adorez Allah et ne lui associez rien. » Donc ici, le mot « shay'an » rien, est un mot qui est indéfini. Et il est précédé d'une interdiction. « Et ne lui associez rien. » Donc cela, comme nous dit l'auteur rahimahullahu, cela prend un sens de généralité et cela englobe toute forme d'association, ne lui associe rien. Donc, qu'elle soit apparente, cachée, mineure, majeure, dans les paroles, dans les actes ou dans les intentions. Donc cela tiré de la règle, vu que le mot shay'an est un mot qui est indéfini et qu'il est précédé d'une interdiction. Ensuite, il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en exemple, lorsqu'il nous dit وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس. Il nous dit, rahimahullah, la parole d'Allah, d'après l'essence du verset, et si Allah te touche par un mal, alors personne ne pourra l'ôter à part lui. Et s'il te veut un bien, alors personne ne peut retenir sa grâce. Donc, on voit dans ce verset que le mot « dur », un mal, dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et si Allah te touche d'un mal, nul ne peut l'ôter. Le mot « dur » est un mot indéfini. « Dur », un mal. Et qu'il est cité dans un contexte de condition. Si Allah te touche d'un mal. Donc cela englobe toute forme de mal. Tout mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter sur le serviteur, si minime soit-il, alors personne ne peut l'ôter à part lui subhanahu wa ta'ala. Et pareil pour sa parole, et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Donc le mot ici, khayr, un bien, est aussi un mot qui est indéfini. Comme le mot rad, nul ne peut repousser sa grâce. Donc ces deux mots-là sont indéfinis, et ils sont aussi cités dans des contextes de conditions. Donc cela aussi dans un sens général et global. Donc, quel que soit le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire parvenir au serviteur, si minime soit-il, qu'il soit mondain, qu'il soit religieux, alors personne ne peut le repousser. Donc cela donne un sens général et global. Et comme l'auteur va le citer dans quelques règles, plus tard dans son épître, dans certaines règles, ce verset fait partie des versets poussant le serviteur à accrocher toutes ses peurs et ses espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala seul, en accomplissant les causes légiférées. Car ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité un sens général et global quant au fait de pouvoir profiter ou avoir un profit venant d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou subir une nuisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrétée. Et ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, et cette règle a beaucoup d'exemples dans le Coran. Donc, le fait de voir un mot indéfini cité dans un contexte de négation ou interdiction ou condition ou interrogation. Donc, cela vient donner un sens de généralité et de globalité. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, la cinquième règle est que lorsqu'un mot singulier ou pluriel est annexé, alors il prend un sens général. Lorsqu'un mot singulier ou pluriel est annexé, alors il prend un sens général. Annexé, encore une fois, une règle de langue arabe, donc il est ajouté à un autre mot. Lorsque nous disons, à titre d'exemple, « baytun », une maison. Puis nous disons « baytullah », la maison d'Allah. Alors, cela est appelé « annexion ». Nous avons ajouté le mot « lafdhul jalal Allah » au mot « bayt ». Donc, dans le Coran, lorsque nous avons un mot qui est annexé à un autre mot, même si ce mot est singulier, alors cela prend un sens général et global. Il nous cite, rahimahullah, en exemple de cette règle-là. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit « Hurrimat alaykum ummahatukum » Sourate An-Nisa. D'après l'essence du verset. « Vos mères vous sont interdites de mariage. » Donc ici, le mot « mère »« ummahat » est annexé au pronom « kum »« ummahatukum » Donc cela qui donne le sens en français « vos mères ». Donc ici, cela donne donc un sens global et général. Donc cela englobe toute mère à laquelle la personne s'affilie. Donc sa mère, sa grand-mère, et ainsi de suite. Pareil pour sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit « وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc ici, nous avons le mot « ni'ma » bienfait, qui est un mot qui est singulier, mais qui est annexé au mot « Seigneur ». « بِنِعْمَةِ رَبِّكَ » quant au bienfait de ton Seigneur. Donc cela prend un sens donc général et global. Donc le mot ici est singulier, mais du fait qu'il a été annexé à un autre mot, alors cela lui donne un sens général. Donc ce qui est voulu par ce verset, comme le dit l'auteur, est donc tout bienfait provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit religieux ou mondain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset ordonne de proclamer son bienfait, ses bienfaits, qu'il soit religieux ou mondain. Ensuite, il nous cite, rahimahullah, un autre exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit « قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سورة الأنعام. D'après l'essence du verset, dit certes ma prière, mon rite, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Donc on voit dans ce verset que les mots prière, rite, vie et mort sont tous singuliers, mais qu'ils sont tous annexés à un pronom qui vient donner le sens en français, ma vie, mon rite, ma prière, ma mort. Ma prière, mon rite, ma vie, ma mort. Donc, on comprend, en prenant en compte cette règle-là, que cela englobe toutes les prières, tous les rites et tous les états dans lesquels le serviteur se trouve dans sa vie et après sa mort. Et que tout cela doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous cite, rahimahullah, un autre exemple de cette règle-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. Donc Allah subhanahu wa ta'ala cite ce verset-là après avoir cité auparavant un grand nombre de prophètes. Donc il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Alors prends exemple sur leur guidée. Ici le mot huda, guidé, est un mot qui est singulier, mais annexé à un pronom. Donc qui donne le sens en français, leur guider, wudahum. Donc cela prend donc un sens général. Et englobe, comme le dit l'auteur rahimahullah, tout ce sur quoi ils étaient comme guidés. Comme science profitable, comme bon caractère, bon comportement, œuvre pieuse et comme droiture. Fabi wudahum qutadi. Et prend exemple sur leur guidée. Ensuite, il nous cite rahimahullah un autre exemple de cette règle-là. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Alaysa Allahu bikafin abda » d'après l'essence du verset « Allah ne suffit-il pas à son serviteur ?» Donc ici encore une fois nous avons le mot « abd » qui est un mot qui est singulier, serviteur, qui est annexé au pronom « hu »« abdahu » qui donne le sens en français « son serviteur ». Donc cela englobe tous les sens de la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bikafin abda. Donc cela prend un sens général et global, comme l'a cité l'auteur. Et il nous cite en plus que cela veut dire que plus la personne, plus le serviteur concrétise cette servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah lui suffira dans toute chose. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Donc voici les trois règles que l'auteur rahimahullah nous a citées, venant expliquer la règle, la deuxième règle, qui nous faisait comprendre que ce qui est pris en compte dans l'exégèse du Coran est la généralité des sens du mot et non la particularité de la raison pour laquelle le verset fut descendu. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de profiter de ce qui a été cité et de faire que cela soit une preuve pour et non contre nous, le jour où nul bien et ni enfant ne sera profitable à quiconque si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.